trop de mots, trop de phrases, trop de pas. Je suis engagé, peu de temps, peu de gens le savent. Mais je suis enragé, trop de mots, trop de phrases, trop de pas. Je suis engagé, j'ai trop de mots, trop de phrases, trop de pas. Je suis engagé, peu de temps, peu de gens le savent. Mais je suis enragé, trop de mots, trop de phrases, trop de pas. Je suis engagé, yo. 2006, les chiens sont lâchés, les mots sont marchés, puis crachés. Je m'achope tout, laissez-moi passer. Je viens placer, la relève en première ligne amassée. Les récompenses dépassées, les berlines, je dois me surpasser. Pas me tasser, non, je garde ça pour mes splits. Tu connais l'équipe, j'enseigne l'industrie du disque et je vais me casser. Pas me lasser, non, je garde ça pour les chiffres. Moi, je vais chiffre 10 ans beaucoup, car y'en a jamais assez. Mon gars, c'est LRM, du gros, sont fâchés. En bas, j'ai mes gens qui soutiennent, pour eux, je suis engagé. Enragé, et ça compte tout, jeune ou âgé. Atteint par rap depuis des années. Donc j'en propage, des batailles, je sais ce que je fais, je vais embraser toute la France au nom de la cause que j'ai embrassée. Je suis photographe sur phonographe, t'aimes nomocrate, prends ce morceau comme un autographe pour tous mes potes, j'ai en placé. Depuis le temps qu'on est là dans le rap, on vient se propager. Et puis tant qu'on est là, des phases, on va en cracher. Sachez que c'est pour nos gens qu'on pose un mode enragé. On vient marquer les pages, mais on est engagé. Depuis le temps qu'on est là dans le rap, on vient se propager. Et puis tant qu'on est là, des phases, on va en cracher. Sachez que c'est pour nos gens qu'on pose un mode enragé. On vient marquer les pages, mec, on est engagé. Donc j'ai plus le time, Masta. Je viens, je rappe et basta. Pas de palabres inutiles, je veux les primes, quitter ma case, bah exploser. Toutes mes phases, les doser et causer au plus grand nombre, répondre aux questions que la vie m'a posées. C'est pas commercial, c'est peut-être underground, rien à foutre. Si je peux manger, je vais pas me gêner pour tout prendre. Faut jouer des coudes dans ce milieu, sinon t'es écrasé. En indé, c'est chaud car t'as aucun chemin qui est tracé. Mais tant que le peuple approuve, je pourrais bouger les foules. C'est du pur hip-hop sans rien de groove, mec. Mais je fais bouger les boules, fais bouger les couses. J'apporte les news sans faire de coupe. J'avance dans le move, sans rester doux, sans peur des coups. Laisse pas filer une occasion si tu sais que c'est la bonne. Ouais, cet album faut qu'il tourne ici, c'est Black on the One. Ouais, ça plaira ou pas, mec, ça me paiera ou pas. C'est pas grave tant que tu bouges ta nuque. Quand je paiera sur ça, sur des bases grasses, pire du meuse. Je suis engagé pour qu'entre moi elle reste du monde. Les gars se creusent, mais ne crois pas qu'il suffit d'un set pour se remplir le beat. Comme ne crois pas qu'il suffit d'une tâche pour remplir le vide. Mec, ne crois pas que mes mots sont vains. Robbie grave mon CD, faut que ça parte bien comme un bon morceau pour 20 ans. Là c'est LRM, connard engagé. Mon rap c'est comme un molar craché qui vient te tâcher. Depuis le temps qu'on est là dans le rap, on vient se propager. Et puis tant qu'on est là, des phases, on va en cracher. Sachez que c'est pour nos gens qu'on pose un mode enragé. On vient marquer les pages, mais on est engagé. Depuis le temps qu'on est là dans le rap, on vient se propager. Et puis tant qu'on est là, des phases, on va en cracher. Sachez que c'est pour nos gens qu'on pose un mode enragé. On vient marquer les pages, mais on est engagé. Parce qu'il faut que ça sorte, parce que la musique me porte. Donc il faut qu'elle soit forte pour faire trembler tous les blocs. Ça fait longtemps que je patiente dans l'ombre, mais là je débarque. Pour mettre des claques au bac, c'est la somme. Mike, le blast c'est black. Oh, si, si, yeah. Et j'ai des choses à dire. J'agresse ta chaîne, il fit. Car au mic, j'ai ma prose à lire. Pour ma famille, et pour mes gens, pour mes potos. J'suis engagé, j'suis à l'heure. Ni trop tard, ni trop tôt. C'est mon tour, donc j'passe mon ticket. Vas-y, passe le briquet. Pour que j'brûle ça quand j'passe pour kicker. J'ai pas le droit à l'échec. Parce qu'on met du cœur à l'ouvrage. Et que toutes les majors s'en battent les steaks. Parce que c'est du rap. Parce que pour eux, c'est pas du rap. Parce que si tu retournes ta veste, demande pas pourquoi tu rates. Parce que j'ai besoin d'évacuer. Pas d'être adulé. Parce que faut être soudé, parce que trop d'enfoirés ont crapulé. Parce que y'a pas d'âge, y'a pas de rail, y'a pas de clash. Parce que y'a pas de catégorie et puis y'a pas de classe. Parce que c'est chaud, l'industrie du disque. Mais tu crois avoir des potes, mais méchamment ils te foutent une disquette. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il nous reste du trajet. Et que c'est pour toutes ces raisons que moi je suis engagé. Je suis engagé. Ouais, c'est pour ça que je suis engagé. Depuis le temps qu'on est là dans le rap, on vient se propager. Et puis tant qu'on est là, des phases, on va en cracher. Sachez que c'est pour nos gens qu'on pose un mode enragé. On vient marquer les pages, mais on est engagé. Depuis le temps qu'on est là dans le rap, on vient se propager. Et puis tant qu'on est là, des phases, on va en cracher. Sachez que c'est pour nos gens qu'on pose un mode enragé. On vient marquer les pages, mais on est engagé. Ok, yeah, LRM, Abbas à la prod, yeah. Je suis engagé, 2006.